Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, 107 MHz. François, calendrier des esclavages et des libérations. Alors ce soir, il sera question de la privatisation des barrages. Ensuite, santé, automédication, stop ou encore. Il sera question de l'hôpital. Le discours de Christophe Nejlen, député. Ensuite, hôpital de Remiremont, encore. Des migrants à Gérardmer. Ensuite, l'Union européenne est une prison des peuples. Mélenchon, l'Union européenne menace la démocratie. Chanel joue la danse espagnole. Mélenchon, les riches coûtent trop cher. Léo Ferré, la mafia. Oman, un sultanat trop tranquille. Jean Ferrat, ma France. Perquisition chez Jean-Luc Mélenchon. Quel médecin, quel soin en France, il sera question notamment des CHU. Charline nous racontera la tournée européenne de Raoni à sa façon. Pierre Perret nous chantera Lily. Santé, les hôpitaux et cliniques privées tournent tourments financiers. Hein. Ensuite, le Média TV nous racontera le gouvernement déclare la guerre aux chômeurs. Et puis le calendrier des esclavages. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 1er juillet 1823, Amérique centrale. Signature de l'acte d'indépendance qui sera promulgué le 11 juillet. Il comporte entre autres l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne et le refus du Guatemala de rester sous domination mexicaine. 1869, France. À Lyon, la grève des ovalistes continue malgré une légère tendance à la reprise dans certains ateliers et des arrestations. 1876, Suisse, mort de Bakounine, né en 1818, il est donc décédé en 1876. Révolutionnaire, anarchiste russe, il prônait le collectivisme anti-autoritaire. La révolution sauvage, la libre organisation des masses laborieuses de bas en haut. Il est considéré comme un des fondateurs de l'anarchisme. 1879, France, à Lyon, naissance de Léon Jouot, syndicaliste, 1879-1954. Il fait ses premiers pas de militant dans l'anarchisme, devient secrétaire général de la CGT de 1909 à 1940. Dirige la CGTFO, Force ouvrière, après la scission de 1948. La révolution, dit-il, est-ce l'acte catastrophique qui détermine l'écroulement d'un système, ou est-ce, au contraire, le long processus qui peu à peu pénètre ce système, l'action qui a sapé un régime et qui, au sein même de ce régime, a constitué l'organisme nouveau. Point d'interrogation. Fermons les guillemets. 1890, Japon, première élection à la Chambre des représentants. 1901, France, loi sur les associations, les congrégations religieuses en sont exclues. L'association professionnelle, syndicat, jouit d'un régime de faveur. France, 1903, aux forges de Hennebont, en Bretagne. Suite au refus d'augmentation des salaires par la direction, 400 ouvriers et ouvrières syndiqués votent la grève. 1911, Maroc. La canonnière allemande Panther arrive à Agadir sous prétexte de protéger les ressortissants allemands, mais en fait pour remettre en cause l'infiltration française au Maroc. Une lutte entre deux colonialismes qui préparait la future guerre de 14, bien entendu. 1915, Arménien de Turquie. Un télégramme émanant du commandant du 4e corps d'armée adresse au vali de Diyarbakır, fait remarquer que les cadavres charriés par l'Euphrate sont probablement ceux des Arméniens tombés lors de la révolte et parle de la nécessité de ne pas laisser ses cadavres à découvert. 1921, Chine. fondation du Parti communiste chinois. Parmi les 57 fondateurs se trouve un instituteur du nom de Mao Tse-tung. 1927, Allemagne. Entrée en activité des nouveaux tribunaux du travail. À partir de ce jour, les ouvriers peuvent se référer à un tribunal destiné à résoudre les conflits de la vie du travail, de la vie au travail. 1949, Canada. La longue grève des ouvriers des mines d'amiante pour l'hygiène, les salaires et le droit de décision se termine, mais la lutte continue. 1949, Vatican. Décret du Saint-Office. Celui qui adhère au communisme est excommunié. 1950, Corée. Suite à l'attaque de la Corée du Sud par la Corée du Nord, les USA interviennent aux côtés du Sud. 1960, Somalie. Les ex-colonies britanniques et italiennes fusionnent et deviennent la République de Somalie. 1962, Algérie. Lors du référendum d'autodétermination, le peuple algérien se prononce en faveur d'un État algérien indépendant, coopérant avec la France par 5 993 754 voix contre 16 478. 1962, Burundi, colonisé par l'Allemagne en 1890, sous mandat belge depuis 1923, le Burundi accède à l'indépendance. 1968, signature du traité de non-prolifération des armes nucléaires, et sera ratifié le 19 novembre par l'URSS et les USA, et le 5 mars 1969 par 43 États. Ce traité comporte seulement une promesse de non-dissémination et non de destruction de toutes les armes, comme l'a demandé la France et la Chine, qui refusent de signer. 1982, Guatemala. L'état de siège est proclamé sur l'ensemble du pays à l'expiration du délai de 30 jours accordé aux guérilleros pour déposer les armes. Tous les hommes de 18 à 30 ans qui ont déjà effectué le service militaire sont réintégrés dans l'armée et les milices. 1984, Liechtenstein. Les électeurs de ce pays se prononcent par 2370 voix contre, 2251 pour le droit de vote des femmes. Les dernières européennes privées de ce droit sont désormais considérées comme des citoyennes à part entière. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu, ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Merci Charlotte, génial. Merci. CP Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, présente État de santé. Pas un jour aller acheter une boîte d'aspirine chez le pharmacien en vente libre, sans ordonnance. Eh bien, peu de Français finalement, puisque 2/3 d'entre nous pratiquons l'automédication régulièrement ou occasionnellement. La pratique de l'automédication est en pleine augmentation, plus 3% par exemple en 2012, ça rapporte 2,2 milliards d'euros à l'industrie pharmaceutique. C'est une manne financière considérable, mais ça pourrait rapporter encore plus. Regardez, la part de marché en France de l'automédication, c'est 15,5%, 23,3% chez nos voisins européens. Alors, en toute logique, l'industrie pharmaceutique aimerait qu'il y ait plus de médicaments, ce qu'on appelle délistés, c'est-à-dire vendus sans ordonnance. Et pour ça, ils brandissent un argument qui peut convaincre, c'est que potentiellement, ça représenterait une économie pour la Sécu d'1,5 milliard d'euros par an. La parole est à monsieur Christophe Naegelen. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, le secteur des urgences connaît une crise d'ampleur nationale. Non seulement il est confronté à un manque de moyens humains, matériels, financiers, mais en plus de cela, les professionnels hospitaliers sont victimes quotidiennement d'actes de violence verbale ou physique. Dans les Vosges, le personnel hospitalier de l'hôpital de Remiremont lance son mouvement de grève aujourd'hui même. Et au vu de la situation, ils ont bien entendu tout mon soutien. L'hôpital de Gérardmer, quant à lui, s'est vu remettre en cause une partie du financement de son service d'urgence. Nous sommes actuellement en train de travailler à une solution avec l'ARS. Je pense sincèrement que vous êtes conscient du malaise des professionnels de santé et du fait que la crise des services d'urgence n'est que le symptôme d'un système de santé au complet qui est malade. Vous avez annoncé la semaine dernière avoir débloqué une enveloppe de 70 millions d'euros. Malheureusement, au vu de l'ampleur de la situation, cette enveloppe ne sera pas plus utile qu'un pansement sur une jambe de bois. Madame la Ministre, entendrez-vous la détresse des praticiens en service d'urgence? Docteur, vos patients, que sont tous les services hospitaliers de France, sont malades. Il est de votre devoir de tout mettre en œuvre pour les remettre sur pied et pour cela, les aspirines ne suffisent plus. C'est une opération lourde qui est nécessaire. Quand et comment allez-vous mettre en place les solutions structurelles qui permettront demain aux urgences et au secteur hospitalier dans son ensemble de sortir de l'état de crise dans lequel ils sont? Merci, cher collègue. Lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts. Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux,

certaines charges de travail parce que la pauvre, elle n'en peut plus. Là. Donc, on espère, en continuant les mouvements avec les urgentistes, avec d'autres organisations plus tard, en tout cas, d'avoir des moyens budgétaires conséquents, parce que ces 70 millions d'euros, ça représente à peine 250 000 euros par établissement, donc ce qui équivaut à même pas 5 postes temps plein en moyenne, je dis bien en moyenne. Donc c'est une provocation de notre ministre. Il faut absolument un plan Marshall réellement de la santé dans toute la France. C'est ce dont on a besoin, mais encore faut-il que les conditions de travail et de rémunération s'améliorent. C'est le serpent qui se mord la queue. Nous avons les infirmières les plus mal payées d'Europe. Nous avons une infirmière en début de carrière touche 1600 euros. Et que dire des infirmières? Et que dire des aides-soignantes et des brancardiers qui ont, eux, des salaires de misère dans les... Et pour mettre à niveau, au niveau de la moyenne européenne, les infirmières devraient être augmentées de 400 euros minimum. Et nous ne parlons pas des aides-soignantes et des autres catégories professionnelles comme les personnels d'accueil. Donc ces métiers deviennent de moins en moins attractifs et on est dans la spirale négative de la régression. Mais c'est quand même un service essentiel des urgences. Il faut que les efforts soient à la hauteur de l'enjeu. Et on a l'impression que la ministre a mis beaucoup de temps à répondre et quand elle répond, elle répond à côté. Retard par rapport aux revendications. Et pas uniquement d'ailleurs dans le service des urgences. Et le personnel d'accueil dans les services d'urgence. L'autre geste de 15 millions d'euros pour le recrutement correspond à 350 ETP supplémentaires, soit un demi-poste par service d'urgence. C'est une honte, une goutte d'eau dans un océan de détresse. Mais il n'y a pas que les urgences qui souffrent. Tous les autres services sont impactés aussi. Tous les services et toutes les disciplines sont impactés. Et il faut décréter l'état d'urgence sanitaire et mettre en application les premières mesures exigées par la CGT, c'est-à-dire un moratoire sur les fermetures de services et de lits en France. Il faut suspendre ce processus sous peine de se faire s'écrouler le système sanitaire en France. Le mouvement de grève au centre hospitalier de Remiremont. Les revendications locales ont été défendues à la direction et nous exigeons d'obtenir des réponses de la part de cette direction. Je donne la parole à la secrétaire du syndicat CGT qui va vous parler des revendications locales. On en a bien besoin. Donc dans le train de grève, les revendications sont très simples. C'est déjà l'augmentation du pôle de remplacement. Il faut savoir qu'ici à Remiremont, le pôle de remplacement n'est utilisé entre guillemets que pour remplacer les arrêts programmés, congés maternité, et que dès qu'il y a un problème d'arrêt non programmé, arrêt maladie, accident du travail, on replace avec des coups de ficelle, on fait déplacer les gens des services pour les aider dans d'autres services, sans tenir compte de leurs spécificités, sans tenir compte de leur expérience des unes et des autres dans les différents services. Le premier tome a été signé contre l'avis de la majorité des représentants et des agents des hôpitaux des hôpitaux d'Orléans, puisque ça concerne aussi l'hôpital d'Orléans, pardon. Et en attendant, depuis, c'est le cas de plat. Il ne se passe rien, nous n'avons aucune information, nous ne participons à aucune réunion, rien ne se passe. Tout est fait dans l'ombre. Normalement, le tome 2 qui concerne l'offre de soins, donc il concerne tous les usagers de l'hôpital et de tous les soignants, puisque si l'offre de soins se déspécialise, entre guillemets, autant de postes de soignants disparaîtront. Et là, par contre, il n'y a rien. Ils sont censés le signer avant la fin de l'été. Il n'y a rien, il ne se passe rien, nous n'avons pas été conviés à des réunions, il n'y a aucune note de service pour informer les agents de la situation dans laquelle on est, ni de ce qui est programmé, ni des modifications qui pourraient être apportées dans ce plan de performance. Nous n'avons aucune, nous ne sommes pas écoutés ni entendus, nous ne participons à rien. C'est le secret le plus absolu. Ce plan de performance qui met en danger tout le monde, et les usagers, et les soignants, qui provoque dégradation encore, si c'était nécessaire, des conditions de travail, dans le sens où les soignants et non-soignants sont tous impactés par leur devenir, parce qu'ils ne savent pas, entre guillemets, à quelle sauce ils vont être mangés. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas ce que nos services vont devenir, on ne sait pas si les lits vont fermer, pas fermer. En attendant, ils ferment temporairement, de temps en temps, des lits faute de personnel pour gérer les services. Et ça, c'est inadmissible. Voilà pour la majorité les revendications portées par le syndicat CGT de Remiremont au niveau local. On espère être reçu très rapidement par la direction, ce qui n'est toujours pas le cas. Le grève a été déposé dans les délais et j'attends toujours les nouvelles de la direction. Rien ne se passe. Voilà. Je vais passer la parole à mes collègues des urgences qui ont débuté ce mouvement de grève en s'appuyant sur les préavis nationaux et qui sont venus nous chercher, désespérés de nous voir que ça ne bougeait pas. Aujourd'hui, ça bouge. Je suis très heureuse de voir tout cela. C'est de plus en plus compliqué dans tous les hôpitaux de France. Premièrement, est un bel outil. Les gens viennent nombreux, ils sont toujours satisfaits, les retours sont toujours positifs des patients. Ils aiment leur hôpital, ils aiment les gens qui y travaillent. Nous aimons les gens que nous soignons. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent, il faut arrêter de détruire la santé publique en France. Merci. Thank you. remercie au nom du comité antiracisme de Gérardmer et du groupe Entraide aux migrants de Gérardmer également d'être venu célébrer avec nous cette journée qui est la journée mondiale des réfugiés. Depuis Lucie, notre ancêtre à toutes et à tous, qui a été découverte en Éthiopie et qui serait âgée de 3 200 000 années, les hommes n'ont pas arrêté de bouger, allant d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et c'est ainsi que la Terre s'est peuplée. Les causes des migrations depuis ces temps immémoriaux restent les mêmes. Les guerres, les changements climatiques, la pauvreté, les persécutions. Les migrations humaines sont une caractéristique de l'humanité. L'humanité n'existe que grâce aux migrations. Nous vivons au XXIe siècle. Les frontières sont de plus en plus fermées. Les murs s'érigent de plus en plus nombreux et de plus en plus hauts. Les traversées en mer pour rejoindre l'Europe sont toujours aussi meurtrières. Pourtant, ni les guerres, ni les discriminations, ni la famine, ni les changements climatiques n'ont cessé. C'est pourquoi cette journée mondiale des réfugiés reste un moment fort d'interpellation à la fois des services publics et de l'opinion publique sur la situation critique des demandeurs d'asile et des personnes migrantes en France et ailleurs. Maintenant, ici, à Gérardmer, il nous tient à cœur de vous parler d'une situation particulière. La famille Aleti, les parents et leurs deux enfants sont arrivés en France en 2014. Dans leur pays, le Kosovo, ils ont été persécutés. Monsieur Aleti Basri est Ashkali, une minorité rome très discriminée. Dans son pays, il était un paria. Il a été battu. Des témoignages l'attestent. Il en reste fortement traumatisé et des soins qui sont maintenant nécessaires. Il était quasi impossible à la famille d'obtenir un logement des soins. Même l'accès à l'école a été refusé aux enfants, sous prétexte que le papa était Ashkali. Alors, pour offrir une vie décente à leurs enfants, ils sont venus à pied jusqu'en France. Ils sont arrivés en décembre 2014, Épinal, Contrexéville, Saint-Dié et enfin Gérardmer, depuis bientôt 4 ans où ils vivent. Ici, malgré des difficultés, précarité financière, départ du logement pour cause administrative et hébergement à l'hôtel, la famille se reconstruit. La scolarité des enfants se passe très bien. Des amitiés se lient. Une véritable vie sociale et une participation aux activités de la cité existent. Mais malheureusement, ils n'ont toujours pas de régularisation administrative et les recours sont négatifs. Un épais dossier comprenant les preuves des discriminations endurées, l'impossibilité de poursuivre les soins qui leur sont nécessaires au Kosovo, la difficulté pour la scolarité des enfants et de nombreux témoignages de leur volonté d'intégration a été envoyé à la préfecture. La réponse a été rapide et cruelle. La famille Aleti doit repartir au plus vite au Kosovo. Le Kosovo ne veut ou ne peut pas protéger cette famille. Ce sont donc des réfugiés. Les réfugiés ont des droits spécifiques, selon l'ONU. Ne pas être renvoyés dans leur pays, demander la protection d'un autre État, pouvoir franchir, même sans document, une frontière pour se mettre à l'abri. C'est pourquoi notre compréhension est totale. Pour aider la famille Aleti, nous avons proposé à Monsieur le maire de faire un parrainage républicain. Il a accepté sans hésitation. Nous le remercions très sincèrement de son soutien. Donc maintenant, la place est à la cérémonie citoyenne pour prouver toute la solidarité que nous ressentons avec Renzi, Basri, Elona et Elon. Merci. Mesdames, Messieurs les élus, chères marraines, chers parrains, chers bénévoles des associations ici présentes, chers responsables d'associations, chers parents d'élèves également mobilisés, mesdames, Messieurs, chers Renzi, chers Asri, chers Elona et chers Elon, décrété en décembre 2000 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée mondiale des réfugiés est l'occasion de rendre hommage aux personnes qui ont dû tout fuir, afin de saluer leur espoir et leur courage de reconstruire leur vie en sécurité. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a dit « Il ne s'agit pas vraiment de partager un fardeau. Il s'agit de partager une responsabilité mondiale, fondée non seulement sur le principe général de notre humanité commune, mais aussi sur les obligations particulières qui nous incombent en vertu du droit international. Les problèmes fondamentaux, ce sont la guerre et la haine, et non pas les personnes qui sont obligées de fuir. Les réfugiés font partie des premières victimes, d'ailleurs, du terrorisme. Nous voilà donc réunis ce jour dans le grand salon de la mairie de Gérardmer, pour une cérémonie que nous attendions, une cérémonie au sens très fort pour les idéaux de la République que nous défendons. Une cérémonie à la forte valeur symbolique, et qui prend toute sa force aujourd'hui parce que cette cérémonie dit en filigrane quelle société nous voulons et laquelle nous refusons. Nous voulons une société ouverte sur l'autre, à l'étranger, une société de la tolérance et du partage. Au monde qui se replie derrière ses barrières et ses frontières, qui érige toujours plus de murs, nous opposons un monde d'accueil et d'hospitalité qui ne voit pas l'étranger, le migrant, comme un fardeau, mais au contraire comme une richesse supplémentaire. Ce sont les migrations qui ont constitué ce monde dans lequel nous vivons. Ce sont les richesses des pays des migrants que nous avons autrefois exploitées, qui nous ont permis de vivre aujourd'hui dans une certaine aisance. Nous avons écrit liberté, égalité, fraternité au fronton de nos mairies. Et nous ne voulons pas que ces mots restent vides de sens parce qu'il s'agit d'accueillir sur notre sol, dans nos démocraties européennes, ceux qui viennent parce que leur terre d'origine est devenue tellement inhospitalière, invivable, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Ils demandent l'asile parce qu'en raison de leurs opinions politiques, de celles de leurs proches, de leur religion, ou de leur appartenance à tel ou tel groupe social ou ethnique, ils sont chez eux persécutés. Et leur police, bien souvent corrompue, ne peut les protéger. C'était le sens de la Convention de Genève de 1951, lorsque les nations du monde décidèrent, après l'ignominie de la Shoah, de l'extermination systématisée de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, lors de la Seconde Guerre mondiale, de se doter d'une législation qui permettrait de mettre à l'abri les humains en danger, laissant le soin aux États de bâtir ensuite le cadre qui permettrait de les accueillir dignement. C'était la mise en œuvre du droit d'asile. Et pourtant, en France, seuls 25 à 30% de ceux qui demandent l'asile l'obtiennent, tant les autorités ne sont plus acharnées à limiter ce droit qu'à l'appliquer, soupçonnant de prime abord tout récit d'être mensonger, mettant systématiquement en doute toute parole, exigeant des preuves matérielles très difficiles à apporter lorsqu'on a dû fuir dans l'urgence et dans la clandestinité. Et puis, il y a ceux qui demandent simplement à pouvoir travailler dans notre pays, parce qu'ils veulent une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs enfants, et que chez eux règne la misère économique. Ne sont-ils pas légitimes, eux aussi? Est-ce que ce ne sont pas ce type de migration économique qui ont bâti l'Amérique lorsqu'ils fuient les Irlandais, les Italiens, qui ont aidé à bâtir leur propre pays? Lorsque vinrent en France, au début du siècle, les mineurs polonais, les maçons portugais, italiens, plus près de nous encore les ouvriers italiens, chez Renault et Peugeot par exemple. Au nom de quoi? Nous qui sommes allés nous enrichir chez eux pendant des années. Nous donc, de nombreux enfants continuent à s'expatrier, comme on dit, pour aller chercher fortune aux États-Unis, en Australie, au Canada. Au nom de quoi aurions-nous le droit de nous ériger en juge et de dire qu'il y a de bons migrants, les migrants politiques, et de mauvais migrants, les migrants économiques? Faudrait expulser au plus vite. Et c'est pourtant ce que font nos institutions étatiques via les préfectures, en refusant les titres de séjour salariés, en délivrant au point de route les titres de séjour familiaux, en voulant empêcher ceux qui n'ont pas été reconnus réfugiés d'obtenir leur régularisation sur le sol français, et même simplement de déposer une demande. C'est votre cas ce jour, ou encore le cas plus médiatique du général lycéen burundais de 18 ans, menacé dans son pays, expulsé il y a quelques jours, avant de passer son bac. En Moselle. Il avait déjà passé les épreuves anticipées de français et était même accepté pour la poursuite de ses études à l'université de Lorraine. Par contre, ce n'est pas le cas quand on est joueur de rugby sud-africain au Stade Toulousain en finale du top 14 et que l'on peut interpeller le président en direct devant les caméras. Je veux la nationalité française, monsieur le président. Banco, très bien. On lance la procédure. Ou que l'on est mannequin iranienne avec des relations privilégiées avec le ministre de l'Intérieur qui examine avec attention et bienveillance son dossier. Qu'est-ce que cette République qui n'applique pas l'égalité de traitement dans toutes ses demandes? Dans les Vosges, il n'y a jamais eu autant d'obligations de quitter le territoire français que ces derniers temps, et les dernières lois, tant sur l'asile que sur le code des étrangers en France, a apporté plus de restrictions et d'interdits que d'ouverture et de facilitation d'un accueil digne sur notre territoire. C'est pourquoi il est si important que la mobilisation citoyenne s'érige en contre-pouvoir, que se multiplient comme ici à Gérardmer des associations, des collectifs de citoyens, qui mettent en œuvre l'accueil, l'hospitalité. Et ce réseau de parrainage, où des hommes, des femmes apportent à d'autres hommes et à d'autres femmes leur protection au quotidien par leur accompagnement bienveillant dans leur parcours du combattant pour avoir le droit de vivre en France dignement. J'estime et j'affirme que tous les résidents de la ville de Gérardmer sont gérômois. Il n'y a pas de différence entre les gens qui sont nés à Gérardmer et qui arrivent. Nous sommes une ville multiculturelle, nous devons en être fiers. La mobilité internationale est un droit humain. Une personne ne peut pas mourir car un pays refuse de l'accueillir. Et nous, si nous étions nés ailleurs, dans cet ailleurs où notre dignité, notre sécurité quotidienne aurait été bafouée, pourrions-nous fuir pour vivre, vivre pleinement sa vie, cet élan qui nous pousse à affronter la faim, la soif, les heures de marche, les dangers de la mer et tous les autres dont on ne parle pas. Malgré l'impossible, ces élans de vie sont ici, aujourd'hui, debout, devant nous à Gérardmer. Ce sont des élèves, des copains de nos enfants, nos voisins, et nous allons reconnaître ce courage, cette dignité recherchée mais jamais perdue. Soyez fiers de votre choix que nous sommes heureux de reconnaître par ce parrainage républicain. Le parrainage est une autre façon de manifester concrètement notre soutien aux familles et aux personnes isolées sans papier. L'idée est que cette action symbolique puisse se réaliser pour redonner du sens à notre conception républicaine d'accueil et d'asile qui pour nous symbolise la France. Grâce à ces opérations de parrainage républicain, des familles, des personnes isolées sans papier, menacées d'expulsion, sont placées sous la protection symbolique de simples citoyens de la société civile, qui vont les soutenir dans leur quête de dignité et du droit de vivre en France. Alors vous, les marraines, les parrains, qui conjuguez au présent le verbe résister, en apportant votre soutien à Elsie, Vasquy, Elona et Elon, qui vont devenir vos filleuls, vous, qui dans votre chemin difficile, allez vous sentir entrer un peu plus dans la cité avec le rêve, je souhaite que vos rencontres, vos trios, soient un enrichissement mutuel. Je m'engage à travers vous à apporter tous les moyens dont je dispose pour soutenir votre parrainage, soutenir votre famille. Mesdames, Messieurs, les élus, les bienvenus aujourd'hui également accueillir cette cérémonie dans la maison commune et y associer les habitants à travers la mise en exergue de cette journée mondiale et vous, association qui luttez au quotidien pour toutes ces familles. Simplement merci. Belle cérémonie à toutes et tous. Et vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité. Thank you. la Commission européenne a décidé de mettre la France en demeure, parce qu'elle n'appliquait pas assez vite la décision, de privatiser les barrages. Peut-être que vous ne le savez pas, mais l'électricité, il faut que ça soit tout à niveau, entre ceux qui sont consomment et ceux qui produisent. Quand vous avez... Alors donc, ça veut dire que le système électrique, c'est un tout. Si vous cassez à un endroit, il y a un problème. Donc, en France, il faut toujours que ce soit à l'équilibre. Alors des fois, il y a trop d'électricité produite, parce que bon, les gens ne s'en servent pas. Alors à ce moment-là, toc, on ralentit la production. Où vous voulez ralentir la production? Comment vous faites? Quand c'est une usine thermique, il vous faut un moment pour l'arrêter, l'usine. Si vous prenez votre électricité du nucléaire, vous ne figurez pas qu'on lève comme ça, qu'on lève et qu'on descend les barres qui empêchent la réaction atomique à l'intérieur du cœur de la centrale. Ça prend un moment. Donc la seule variable qu'il y a, qui est qu'on ferme en moins de 20 minutes, des fois c'est 5 minutes, hein, des variations comme ça, c'est les barrages. Donc le système hydroélectrique, c'est le régulateur de tout le système électrique de tout le pays. Si vous mettez un barrage privé, d'accord, vous êtes le type qui doit prendre la décision. Vous dites, bon, bah, il y a trop d'électricité, il faut couper. Vous décidez où? Alors vous dites, tel barrage, il arrête de produire. Jusqu'à présent, quand le barrage arrête de produire, ça vous coûte rien. Le jour où vous direz vous arrêtez, le gars qui possède le barrage, il dit, moi, j'ai rien demandé, pourquoi moi? Donc si c'est moi, eh ben, vous me payez l'électricité que je n'ai pas pu vendre. Donc ça va nous coûter, les délestages vont nous coûter. Quelles conséquences ça? Ben, la première, c'est sur le gars qui décide. Il attend jusqu'à la dernière minute. Il va dire, bah, tant que je peux, parce qu'on lui dira, ah, économie, efficacité, mobilité, flexibilité, il faut être bon là. Hein. Alors, celui, le garçon ou la fille qui a la décision à prendre, il va retarder le moment où il prend la décision de délestage. Voilà, c'est tout. Vous n'avez qu'à comprendre tout seul ce que ça donne comme résultat. Si vous mettez quelqu'un dans l'obligation d'avoir des performances de rentabilité financière et devant un système qui, lui, risque de sauter d'un bout à l'autre, vous augmentez les risques. Autrement dit, privatiser les barrages, hein, ça règle aucun problème, ça en crée. Voilà ce qu'ils sont en train de décider. Deuxième élément, c'est que voilà le système où 9 milliardaires possèdent 90% des moyens et des médias de ce pays. 9 milliardaires, 90%. Alors venez plus jamais nous parler de médias éthiques, indépendants, je ne sais pas trop quoi, parce que ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des gens qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent leur métier, le plus honnêtement possible. Ce n'est pas ça qui est en cause. Mais arrêtez avec votre foutu corporatisme. Quand des gens font une critique du système médiatique, arrêtez de le prendre pour vous personnellement. Comprenez que ce qu'on veut nous, c'est avoir des beaux médias, de belles qualités. Et donc il y a des mesures à prendre. D'abord, décrocher l'argent et les médias, et d'une. Deuxièmement, que le métier soit praticable, donc des conditions sociales d'exercice du métier. Arrêtez de traiter comme des esclaves une partie de vos rédactions. Arrêtez, quand c'est les vacances, de le remplir de stagiaires. Ensuite, il faut qu'il y ait des comités de rédaction. Ensuite, il faut que le public ait son mot à dire. Par exemple, dans le service public de télévision, je suis pour que ce soit ceux qui payent le service public de télévision, la redevance, c'est eux qui devraient élire le président de France Télévisions. C'est pas pour engueuler le personnel d'Itélé que je dis ça. Hein. Bon, mes amis, on y a été solidaires avec eux tout le long de leur lutte. C'est pour qu'enfin on accepte de réfléchir en écoutant ce qui se dit et ce qui se propose. Au lieu de faire des caricatures, au lieu de me ranger dans une case à Itélé comme ailleurs, hein, au lieu de m'appeler extrême gauche parce que ça les arrange pour faire peur, au lieu de traiter comme l'a été Xavier Mathieu, vous rappelez, au moment de cette lutte, comment il a été traité par les médias, comme une bête féroce. Au lieu de traiter les travailleurs de Goodyear comme ils l'ont été, il y aurait eu un peu d'intérêt pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. À ce moment-là, vous auriez compris que ça concernait aussi votre métier, vous autres, les journalistes. Et maintenant, je vous dis que si je suis élu, il y aura la révolution citoyenne dans les médias. Il y aura la révolution. Vous savez à qui je veux donner le pouvoir? Aux abonnés, plutôt qu'aux propriétaires. Aux usagers, ceux qui payent la redevance, plutôt qu'à je ne sais quel président de la République qui nomme le président de France Télévisions en le soumettant à l'Assemblée, qui a le droit seulement de l'empêcher, toute cette histoire moyenâgeuse de désignation des personnes. Hein, pourquoi on a peur du vote? On a peur des gens? Si vous êtes abonné à un journal, c'est que vous l'aimez. Vous avez envie qu'il se porte bien, non? Eh bien, pourquoi vous n'avez pas votre mot à dire? Pourquoi pas vous prononcer sur parmi ceux que vous avez lus? Tiens, celui-là, bon, il est allé à la retraite, il était rédacteur en chef, il est parti à la retraite. On me propose un rédacteur en chef, il peut venir de l'extérieur, il peut être de dedans. C'est la ligne éditoriale, c'est pour ça que vous êtes abonné. Ça coûte cher, hein, les abonnements. Donc, si vous faites ça, c'est que vous êtes intéressé à la vie du journal. Il ne faut pas avoir peur des gens quand on veut diriger. C'est le contraire. Si on leur fait confiance, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je ferai. De toute façon, surpris, j'ai l'impression que vous l'avez été plutôt agréablement, parce que tous ceux qui regardent cette chaîne ont donné un bon coup de main. D'abord, ils ont mis des pouces bleus tant et plus, si bien que tchouf, on est bien monté. Et surtout, maintenant, on va arriver bientôt à 60 000 abonnés sur cette chaîne. Alors, c'est pas rien, parce que c'est un fait politique en soi. Hein. Ceux qui s'abonnent à la chaîne lui donnent un impact sur le comme média autonome et indépendant. Vous comprenez que plus j'ai d'abonnés sur cette chaîne, moins j'ai besoin des autres pour m'exprimer, et des journaux qui tortillent mes citations, qui les inventent, ou les images découpées pourries des uns et des autres. Bon, tout ça, pouf, maintenant, j'en ai rien à faire. Hein. Je dis ce que j'ai à dire devant ma caméra, ceux que ça intéresse, ils regardent, ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas. Et de cette manière, au moins, on sait ce que j'ai à dire par moi-même. Donc, voilà, je suis content. Hein. Ça se voit pas, mais je suis content de ça. C'est un beau pied de nez qu'on fait ensemble à un tas de gens. Et puis, j'ai l'impression quand même que ça donne aussi de l'intérêt pour les autres films qu'il y a sur la chaîne. Parce que pour moi, c'est très important. Vous savez, les discours, les conférences, les choses comme ça. Bon, d'abord, ça, je parle pas pour faire du bruit. Hein. Je parle parce que j'ai travaillé avant, j'ai réfléchi aux arguments, la manière de les mettre en chaîne les uns derrière les autres pour que ça puisse servir à d'autres pour convaincre autour de soi. Les gens qui viennent. Mais les gens qui viennent, ils viennent pas en fan club. Hein. J'ai pas la tête pour ça, moi. J'ai pas la banane, j'ai rien de tout ça. Donc les gens, ils viennent, ils écoutent. Des fois, ils sont d'accord, des fois, ils sont pas d'accord. Ils essayent d'en comprendre un peu plus. Mais quand ils deviennent d'accord, alors c'est pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent, ils se renseignent eux-mêmes, ils comparent, et ils deviennent eux-mêmes, dans, au moins dans leur propre tête, des militants de l'idée qu'on développe. Moi, je crois que c'est important, parce que c'est une idée qui n'est pas simple, ce que je défends dans cette campagne. Hein. Ce n'est pas 3-4 pauvres slogans, un peu de com, et puis ubiquette, ça avance. C'est un programme, c'est un tout. Bon, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux pour parler de l'Europe. C'est bien, les sujets européens vous passionnent, vous intéressent. Et c'est bien normal, car nous vivons une crise inédite de l'Union européenne, une crise existentielle dont finalement la confrontation entre le gouvernement italien et la Commission européenne est un symptôme supplémentaire. Et ça me paraît particulièrement important d'en parler aujourd'hui. Nous sommes persuadés que l'Europe court à sa perte, et que pour la sauver, il faut procéder à un certain nombre de ruptures fortes, de ruptures radicales, qui commencent d'abord, et c'est aussi ce qui nous rassemble, par la dénonciation des traités européens qui sont comme des camisoles de force pour les peuples de l'Union. Cette dénonciation, elle se décline après en politique, en préconisation politique, et nous passons notre temps avec Younous, avec Jean-Luc aussi, à dire que si nous ne sommes pas capables de nous émanciper de la sacro-sainte trinité, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, le libre-échange généralisé et également la concurrence libre et non faussée, eh bien, nous ne pourrons jamais sauver l'Europe. Or, notre ambition, précisément, c'est de sauver l'Europe. Mais pour ça, il faut des ruptures. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, j'ai quitté le Parti Socialiste avec de très nombreux amis la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle, aussi, je m'apprête à quitter le groupe social-démocrate. C'est que je considère que la social-démocratie européenne, aujourd'hui, ne veut pas, ne peut pas, incarner ces ruptures fortes, ces ruptures radicales que nous appelons de nos voeux. On ne peut pas se contenter, compte tenu de l'importance de la crise, de réponses fades, de réponses convenues. On ne peut pas non plus se satisfaire d'une forme de double langage, de duplicité, qui se consiste à dire pendant les élections le contraire de ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé au pouvoir. Je raconte toujours, mais ceux qui nous suivent depuis un certain temps déjà le savent, je rappelle toujours cet épisode de l'élection européenne de 2014, où nous avions tonné pendant 6 mois contre la candidature de Jean-Claude Juncker, dont on disait qu'il était le VRP des paradis fiscaux, et puis la première réunion du groupe social-démocrate, on m'a demandé de voter pour lui. Et c'est finalement cette duplicité qui est trop douloureuse à supporter et qui explique aujourd'hui la démarche qui est la mienne. Mais au-delà de cette démarche personnelle, il y a une démarche commune parce que nous faisons une analyse de plus en plus convergente. D'abord, nous considérons que seuls les hypocrites et les naïfs déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme dirait Bossuet, c'est-à-dire tout le monde s'alarme de la progression effarante des nationalismes, des populismes, de l'extrême droite, sans se rendre compte qu'il y a un lien de corrélation évidente avec les politiques qui sont menées au sein de l'Union européenne depuis près de 20 ans et qui conduisent les pays à la ruine parce que l'austérité budgétaire reste la règle partout en Europe. Et pour cela, nous voulons incarner un camp qui non seulement résiste, fait des propositions pour renouer avec la souveraineté populaire et renouer avec une certaine idée de l'Europe au service des peuples. Et une Europe qui se fait sans pour autant défaire la France. Car ça sera, je pense, un axe très important de la campagne des élections européennes qui nous opposera de façon brutale à Emmanuel Macron, qui lui, au contraire, et tout ce qu'il fait et toutes les politiques qu'il mène depuis qu'il est arrivé au pouvoir en témoignent, consiste à détricoter méticuleusement le modèle social français, les services publics, le système de retraite, au nom des préconisations d'une Commission européenne qui, depuis très longtemps, a perdu de vue l'intérêt général des citoyens européens. Donc voilà, le temps du sursaut est venu, et ce sursaut, évidemment, il passe par l'addition des forces. Alors, au Parlement européen, nous avons décidé, même si, depuis très longtemps avec Younous, et avant avec Jean-Luc, quand il était membre du Parlement européen, les convergences, elles étaient évidentes. Mais nous avons décidé de franchir une étape supplémentaire parce que pour incarner ce sursaut et pour lui donner un contenu politique, eh bien, il faut travailler davantage ensemble. Donc les convergences sont en train de se mettre en place. Le travail commun a déjà bien travaillé, bien commencé. Nous avons notamment dans notre programme de travail un certain nombre de priorités, la lutte contre l'évasion fiscale, parce que l'événement de la semaine, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes tous là, c'est évidemment la révélation d'un énième scandale fiscal, les Comex Strikes, à hauteur de 55 milliards, qui succèdent aux Panama Papers, à LuxLeaks, à SwissLeaks, et qui doivent être une priorité de l'Union européenne, la lutte contre l'évasion fiscale. Mais c'est aussi évidemment les combats écologiques. Aujourd'hui, au Parlement européen, nous allons voter une directive sur le plastique qui est très importante parce qu'il s'agit quand même de faire rentrer l'Union européenne dans un autre modèle de développement. Et puis enfin, ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la lutte contre le libre-échange généralisé. Je ne reviens pas sur tous les combats qui ont été le nôtre contre le TAFTA, contre le CETA. Je rappelle que le CETA, il y a une mise en application provisoire, mais l'Assemblée nationale n'a pas encore voté. Donc nous avons tout un travail encore de popularisation et de lutte pour éviter ce vote du CETA à l'Assemblée nationale. Mais surtout, notre actualité, à nous, eurodéputés, c'est le vote prochain du JEFTA, le traité de libre-échange avec le Japon, qui a exactement la même forme et les mêmes conséquences néfastes que le CETA. Et nous avons déposé avec Younous Omarjee plus de 30 amendements qui visent précisément à faire échec à cette politique folle, à cet activisme débridé de la Commission en matière commerciale, qui se traduit tout simplement par l'affaiblissement de nos territoires, de nos savoir-faire, des salariés, des entreprises qui composent l'Union européenne. Voilà des priorités très concrètes, donc des convergences incontestables, la volonté de travailler en commun, celle d'œuvrer pour une autre Europe, celle aussi de faire l'Europe sans défaire la France. Tout ça explique le rapprochement dont on vous parle aujourd'hui. C'est une étape importante, c'est une étape prometteuse pour tous ceux qui veulent, comme nous, construire une Europe au service des peuples. Merci Emmanuel. Emmanuel l'a dit, l'Europe est engagée aujourd'hui dans une marche aveugle, conduite par des aveugles vers le précipice. Et les aveugles qui conduisent l'Europe vers le précipice, nous les connaissons, c'est ce triumvirat, sans doute le plus détesté d'Europe, que sont Macron, Juncker et Merkel. Et c'est pourquoi nous ferons en France, des Européennes, un référendum anti-Macron. Et nous commençons cette bataille déjà ici au Parlement européen, dans les combats que nous menons et qu'Emmanuel a rappelé, et qui sont d'abord des combats pour la démocratie européenne. J'interviendrai cet après-midi en plénière sur ce qu'ils appellent le bilan du traité de Lisbonne. Eh bien, ce sera une occasion pour nous de rappeler que le traité de Lisbonne a été une violence faite à la démocratie européenne. Une bataille pour la démocratie européenne, c'est aussi une bataille contre ces lobbies très toxiques qui portent atteinte considérablement à la bonne avancée des politiques européennes dans tous les domaines et en particulier dans les combats écologiques. Et nous allons continuer avec Emmanuel la bataille pour interdire définitivement la pêche électrique. Il se prépare actuellement dans le Parlement européen un certain nombre de compromis pour remettre en cause le vote de notre Parlement. Eh bien, je suis heureux qu'Emmanuel soit à mes côtés pour être renforcé dans ce combat qui est devant nous. Et puis, il y a aussi la question des pesticides qui n'est pas terminée au niveau européen, où là encore, nous allons devoir batailler ferme pour que le travail que nous avons fait dans la commission spéciale sur les pesticides rencontre un certain nombre de votes en plénière au Parlement européen. Et puis enfin, un dossier très important concernant la démocratie européenne, que Emmanuel connaît bien, qu'on a commencé à travailler ensemble là-dessus, c'est les lanceurs d'alerte. Vous savez que sans les lanceurs d'alerte, beaucoup de scandales qui ont été révélés n'auraient pas pu voir le jour. Mais beaucoup de scandales n'auraient pas pris cette dimension-là si les lanceurs d'alerte, dès le départ, avaient été protégés. Il y a un rapport actuellement qui est dans le tube au Parlement européen. Nous avons beaucoup contribué à ce rapport dans nos différentes commissions. Et nous veillerons à ce que les fonctionnaires de la Commission européenne, les personnes qui travaillent dans les agences européennes, les personnes qui sont à la Banque centrale européenne, par exemple, soient aussi couvertes par la protection qui est due aux lanceurs d'alerte. Enfin, je veux dire que la question pour nous de la rupture avec les traités européens est une question essentielle qui irrigue finalement l'ensemble des combats que nous portons ici au Parlement. C'est un moment important que la création entre Emmanuel et moi d'une structure de coordination commune qui verra la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions communes et aussi des votes convergents en plénière. Enfin, la dernière chose, et vous le savez, nous avons créé un mouvement européen maintenant le peuple avec nos partenaires portugais, espagnols, danois et suédois. Maintenant le peuple, et nous avons engagé déjà un certain nombre d'actions contre l'évasion fiscale. Nous avons une action qui va bientôt être engagée sur la lutte contre la précarité et une action contre l'Europe de la guerre. Et évidemment, Emmanuel est le bienvenu dans la coordination des députés, de maintenant le peuple. Et je crois que par les combats que tu mènes, tu pourras nous apporter beaucoup sur ces questions. Enfin, la dernière chose, c'est les accords de libre-échange. Nous avons déposé beaucoup d'amendements sur le JEFTA. C'est une bataille que nous allons devoir mener fermement. Nous avons lancé l'alerte déjà quand le président Juncker a été signé un pré-accord au Japon, et nous bataillons ici au Parlement européen pour que violence ne soit pas faite avec cet accord, et nous mettons déjà en garde sur le fait que le président Juncker et la majorité ici au Parlement européen veulent faire revenir par la fenêtre cet accord qui a été rejeté avec les États-Unis, qui est l'accord du TAFTA. Je laisse la parole à présent à Jean-Luc Mélenchon. Mes deux amis se sont exprimés. Oui, merci. Mes deux amis se sont exprimés sur le fond. Nous avons le sentiment d'une situation d'urgence en Europe. Entre les objectifs que j'ai pu connaître, qui étaient donnés par le mouvement socialiste ou le mouvement communiste à l'époque, à la construction européenne, ce que nous avons sous les yeux, naturellement, tout le monde voit le gouffre. Mais, à la limite, ce pourrait être qu'un épisode de plus de malentendu dans l'histoire. Ce qui est singulier dans le moment que nous vivons, c'est le caractère dramatique des événements, qui semble une nouvelle fois pousser le vieux continent au chaos et à l'affrontement interne. Cette prison des peuples qui est devenue l'Union européenne vient de s'exprimer d'une façon qui, pour nous, bien sûr, pose problème, parce que les protagonistes sont la Commission européenne, que nous combattons, et le gouvernement italien, que nous combattons aussi. Alors, on pourrait dire que tout ça, c'est pas nos affaires, mais si, c'est nos affaires. Parce que, pour la première fois, la Commission européenne s'affronte au budget voté par le Parlement d'un État, et elle s'affronte alors même que ce budget est dans les clous des traités budgétaires. Ce qui est reproché au gouvernement italien, c'est de ne pas respecter l'engagement du précédent gouvernement italien qui avait été acquis sous la pression de la Commission européenne. Dès lors qu'il ne s'agit plus simplement du respect des traités, mais d'un profil budgétaire, on voit bien que c'est une dépossession de la souveraineté des nations, des États, des peuples, quoi qu'on pense des choix qu'ils ont faits. On peut parfaitement condamner les choix politiques ou ne pas être d'accord avec les choix politiques des Italiens, mais il reste que c'est les Italiens qui ont quand même le droit de décider ce qui est bon pour l'Italie. Et là, non, M. Juncker et ses amis, ses collègues, ses partenaires, M. Moscovici et les autres, ont décidé qu'il y avait un arbitre d'une dimension supérieure, la Commission européenne. Beaucoup d'observateurs superficiels avaient négligé auparavant la violence qu'avait été la décision de couper les fonds à Chypre parce que Chypre refusait d'appliquer un mémorandum. Il ne s'était pas trouvé une voix au Parlement chypriote pour approuver le mémorandum que l'Union européenne avait imposé à ce pays. Et on avait considéré, à savoir pourquoi, que tout ça n'était pas bien grave. Après quoi, la même violence a été commise contre la Grèce, en la privant, elle aussi, de monnaie. Et c'est à coup de 60 euros par jour que les Grecs avaient droit. Et là aussi, on a considéré que c'était pour leur bien qu'il fallait les châtier rudement. Et de fil en aiguille, on est arrivé à cette situation où M. Juncker a pu dire « il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités ». Et jusque-là, on avait cru comprendre, je me répète, qu'il fallait strictement appliquer les traités, qu'il n'y avait plus de souveraineté populaire pour le reste. Maintenant, on découvre que même dans le cadre des traités, il n'y a pas de démocratie, puisque le peuple italien a voté d'une manière, il a constitué un gouvernement et la Commission décide d'une autre. C'est donc un moment spécialement dramatique. Évidemment, nos adversaires ouvrent un front dans le pire angle qui soit pour nous. Parce qu'en allant affronter le gouvernement de M. Salvini, d'une certaine manière, il lui donne un label de respect de la souveraineté populaire qu'on aurait préféré qu'il n'ait pas. Mais enfin, il faut nous exprimer sur le sujet en pensant que nous, nous représentons le peuple français. Et dans cette affaire, aujourd'hui comme à des occasions précédentes, les Français ont intérêt à défendre tous ceux qui défendent la souveraineté populaire, parce que l'identité nationale des Français est une identité républicaine qui se confond avec l'idée de souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne, même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne. Le moment venu, on répondra s'il le faut sur ce sujet. Les autres grands dossiers ont été évoqués par mes deux amis, je m'en tiens à un seul. Je suis ici parce que, en tant que président du groupe parlementaire La France Insoumise au Parlement National, en France, il se trouve que ma mission inclut non seulement le groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale, mais des tâches de coordination de l'action parlementaire de France Insoumise. Alors, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, puisque jusqu'à présent, cette coordination se limitait à me coordonner avec Younous Omarjee, qui participe à intervalles réguliers à la réunion du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Tout ça n'a pas valeur de règle inclus dans le bronze, c'est quelque chose qui s'est fait à mesure, avec pragmatisme, des besoins. Dans la mesure où les amis d'après, autour de Emmanuel Morel, et de cette scission qui vient d'intervenir dans le Parti Socialiste, ont souhaité avoir un dialogue et une construction politique commune dans le cadre du label La France Insoumise, chacun restant ce qu'il est pour le reste, je suis venu ici pour marquer d'une façon un peu solennelle le moment où une coordination est créée entre Younous Omarjee et Emmanuel Morel, et voir avec eux les premiers dossiers qui passent et comment nous pouvons combiner notre travail. Aujourd'hui, par exemple, passent les plastiques, et pour nous, c'est une question qu'on a traitée à l'Assemblée nationale, et c'est notre intérêt, à nous qui avons la réputation d'être peu européens, bah, justement, notre intérêt est de montrer l'articulation entre les deux niveaux de décision, le niveau européen et le niveau national. Car nous avons présenté de nombreux amendements sur cette question de la plastification des mers, notamment. Voilà. Donc c'est ça que je veux bien regarder de près avec eux, comment on va travailler, et surtout que l'idée, c'est qu'on présente, qu'on soutienne, qu'on présente ensemble une liste aux élections européennes. Si bien que le savoir-faire d'Emmanuel Morel et de Younous Omarjee est très précieux pour nous, parce qu'au contraire de l'Assemblée nationale, quand les eurodéputés, nos eurodéputés arriveront dans cette Assemblée, nous aurons un noyau autour duquel organiser leur action avec des gens qui ont une expérience, une connaissance des procédures et des lieux, parce que vous avez remarqué que connaître les lieux ici, ça fait partie de la connaissance des procédures, parce que sinon on peut errer pendant des heures sans savoir où aller déposer son amendement ou défendre son point de vue. Mais bref, on aura un noyau. Et pour nous, c'est important aussi de préparer en amont les formes du travail commun. Moi, je dois apprendre comment ça peut fonctionner, ce travail commun. J'ai été eurodéputé, donc j'ai une idée de comment tout ça fonctionne ici. Mais comment on fonctionne en combiné eurodéputés, députés nationaux, non, je ne sais pas. C'est la première fois que je suis conduit à organiser ça. Voilà. Alors, évidemment, quand on aura constitué notre groupe, quelqu'un se chargera de la liaison entre les deux groupes. Bon, je n'ai pas réfléchi si c'est moi qui vais le faire ou un autre, mais sans ou une autre, mais sans doute devra-t-on mettre au point des procédures. C'est très important pour nous d'être une seule organisation de combat. Nous avons une expérience, pour certains d'entre nous, du contraire. Emmanuel Morel et moi, nous avons l'expérience de, plus récente pour lui, plus lointaine pour moi, puisqu'elle a plus de 10 ans, du fonctionnement des groupes parlementaires et des groupes d'élus complètement dissociés les uns des autres, chacun faisant sa petite tambouille dans son coin. Et quand on arrive à l'Europe, vous entrez dans une longue période de diète médiatique, parce que, assez curieusement, la même presse qui s'acharne contre les anti-européens, le reste du temps, parle fort peu d'Europe, et s'y intéresse assez médiocrement. Donc on est coupé de tout, et on a l'impression ici d'être dans une bulle. C'est en partie vrai, d'ailleurs. Hein. Bon, c'est quand même une assemblée hors sol, puisque 70% des textes qu'elle vote n'ont aucune incidence pratique. Mais enfin, cette combinaison, pour nous, est un enjeu de la forme particulière que nous construisons. Construire un mouvement est un acte absolument nouveau pour nous, absolument nouveau. Il n'y a pas de schéma préétabli, nous improvisons, nous corrigeons à mesure que nous avançons, et évidemment, ce mouvement est la propriété commune de tous ceux qui y participent et le co-construisent. Voilà, un dernier mot pour dire qu'hier soir, j'ai été reçu par le groupe La Gauche Unitaire Européenne et que j'ai pu y présenter mes observations sur la situation en France, qui alarme bien sûr la vingtaine de délégations qui se trouvent réunies dans la Gaule. Il y aura sans doute ici en Europe, au niveau européen, de grosses évolutions de l'organisation politique des groupes. On sait que M. Macron cherche à faire un groupe, alors on n'a pas bien compris si c'est tout seul ou s'il sera un appendice des libéraux. Bon, on a compris en gros quel sera son profil. On peut imaginer que les nationalistes vont aussi modifier leur organisation dans la mesure où les Britanniques vont devoir quitter le Parlement européen. Bref, on est ici dans une situation en pleine ébullition et en pleine modification. Voilà ce que moi j'avais à dire. Premier amour, près de l'usine à Graz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Spring's a girl from the streets at night. Dirty old town. Dirty old town. Gonna make a good sharp axe, shining steel, tempered in fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old. Siren from the docks. The train set the night on fire. Smell the spray on the smoky wind. Dirty old town. Dirty old. Le forum de São Paulo qui s'opposait au traité de libre-échange que les Nord-Américains essayaient d'imposer à toute l'Amérique latine. Le sommet du plan B est l'équivalent du forum de São Paulo en Europe. Mesdames et messieurs, dans le forum de São Paulo, on regardait de haut qui s'y trouvait. Et il y avait bien des sourires hautains et méprisants. Eh bien, c'est dans cette salle du Forum de São Paulo que l'on a trouvé de quoi faire 10 gouvernements dans l'Amérique du Sud. De même, dans cette salle, il y a 10 gouvernements à venir pour l'Europe. Il est heureux qu'aujourd'hui, les seuls absents soient précisément ceux qui s'apprêtent à composer un gouvernement dans leur pays. Et je crois que c'est un signe de l'époque dans laquelle nous sommes. Les plus grandes espérances sont à notre portée en même temps que nous voyons les plus grandes menaces se dessiner. Nous sommes unis, nous autres, les peuples du vieux continent, peut-être davantage que d'autres partout au monde. Nous le sommes parce que nous avons déjà connu une période pendant laquelle, au moins une, je dirais bien deux, avec les deux guerres mondiales, le capitalisme s'est fracassé du fait de ses propres contradictions et non de la volonté des peuples. Si je porte de manière permanente le triangle rouge, je voudrais rappeler que ce n'est pas seulement la couleur de mes espérances, c'est la couleur du symbole qui était imposé par l'occupant nazi à tous les déportés politiques. Nous connaissons mieux que d'autres le prix qu'il faut payer quand nous perdons. Si bien que, unis par ce passé, nous savons que nous le sommes aussi tous les jours, dans le présent, parce que nous nous regardons les uns les autres. Et quand il y a une élection dans un pays, chacun d'entre nous regarde le score du parti dont il sait qu'il est le plus proche de lui. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions pour savoir quel est le parti qui est le plus proche de nous. Nous le savons parce que nous nous renseignons, parce que nous suivons l'évolution sur tout le vieux continent de la façon avec laquelle les peuples sont en train de se réorganiser. De la même manière que nous regardons partout avec le même effroi la percée de l'extrême droite. Il n'y a pas d'excuse à cette percée, car nous en connaissons la nature et le fondement. Le fondement, c'est la radicalisation à droite de la droite elle-même, car il y a toujours eu une droite populaire. Et cette droite populaire est en train de devenir une extrême droite sous la direction d'une fraction du capital financier qui y trouve son intérêt, parce qu'elle a pour adversaire principal non pas les dégâts de la crise, mais nous, et l'alternative que nous représentons socialement et politiquement. Et j'ai envie de dire, surtout l'alternative sociale que nous représentons au pillage généralisé auquel se livre le capitalisme sur le vieux continent. Nous le sommes aussi liés par le futur. Nous savons tous que nous sommes étroitement interdépendants devant la menace que fait peser sur tous les peuples d'Europe l'usage de l'énergie nucléaire dans tant et tant de pays, et notamment dans un pays qui entre en guerre, comme c'est le cas en Ukraine, où se trouve celle des plus vieilles centrales nucléaires du monde, et où se trouve le sarcophage de Tchernobyl. Nous savons que nous sommes tous confrontés à un processus d'auto-effondrement de la structure organisée qui porte en Europe le nom d'Union européenne et de traité européen. Le Brexit est le premier des grands signaux qui est reçu de cet auto-effondrement. Comme à l'échelle du monde, c'est l'élection de M. Trump. L'autre signal, c'est évidemment, je viens de le dire, la percée de l'extrême droite. Mais si l'extrême droite menace la démocratie et la démocratie sociale, nous ne pouvons pas perdre de vue que la première menace à la démocratie qui s'oppose à nous, ce n'est pas l'extrême droite, c'est l'Union européenne. C'est elle qui a martyrisé Chypre, c'est elle qui martyrise la Grèce, c'est elle qui a martyrisé l'Irlande, c'est elle qui prétend martyriser l'Espagne, le Portugal et même ma patrie. Par conséquent, ce que nous avons à subir aujourd'hui, c'est cette menace-là sur la liberté. Nous ne sommes pas simplement en train de confronter des idées en général dans un colloque savant où nous confronterions des idées plus nobles les unes que les autres. Nous sommes en train de réagir à une menace concrète contre les acquis essentiels de notre civilisation, acquis sociaux et acquis démocratiques. Dans ce contexte, en 2017 et en 2018, ce n'est pas par le résultat d'un colloque, ni même par une espèce de méchanceté particulière de l'un ou l'autre d'entre nous, que les problèmes vont venir sur la table. C'est parce qu'ils sont inscrits dans le calendrier. En 2017, tous nos peuples devront savoir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas de TAFTA. Le TIPP, je ne sais plus comment il s'appelle, il change de nom tous les ans. Le traité avec les États-Unis d'Amérique. Ou bien le CETA, le traité avec le Canada. C'est cette année que nous allons devoir décider. Et nous allons d'abord devoir décider si nous décidons, ou bien si c'est eux qui décident à notre place. Les puissants, les importants, le chef des voyous, Juncker, qui a organisé pendant des années le pillage fiscal de tous les pays autour, la grande chef de l'économie capitaliste européenne, Madame Merkel, qui accumule d'année en année des excédents pour lesquels elle devrait être plus sévèrement punie que pour n'importe quelle dette qu'a produit la Grèce, puisque c'est sur le dos de tous les autres pays européens qu'elle accumule ces excédents. Ce sont des réalités géopolitiques auxquelles nous allons être confrontés. Et ensuite, je voudrais le redire avec force, en 2017, les cinq présidents européens, car il y en a cinq, ont décidé qu'un nouveau traité sera mis en discussion. J'espère que tout le monde le sait. Cette décision a été prise en juin 2015, J'espère que tout le monde le sait. Et si vous le savez, alors venez avec moi le dire à François Hollande. Parce que quand je l'ai rencontré et je lui ai dit, après le Brexit, il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit d'abord, pas de représailles contre les Anglais. Et je lui ai dit deuxièmement, pour le nouveau traité, il faut à tout prix maintenant rompre l'étranglement social, monétaire, fiscal que vous faites peser sur l'Europe. Et il me dit, quel nouveau traité? Je lui dis, celui qui va être mis en discussion en 2017 et qui a été décidé en 2015. Est-ce que vous savez ce qu'il m'a répondu? Personne ne nous a parlé de ça. Voilà ce qu'il m'a répondu. Personne ne nous a parlé de ça. Or, ce traité va avoir lieu. Il faut que les peuples se saisissent du fait que le travail est commencé, qu'il va y avoir un livre blanc qui va être déposé. Et par conséquent, c'est le moment où ce sera très important et très utile pour nous d'avoir ce forum de Paris, de Rome, de Copenhague, rassemblant nos forces pour faire face ensemble aux échéances qui arrivent. Et puis il y a une échéance dont personne non plus n'a l'air de vouloir parler. Figurez-vous que comme réponse au démembrement du monde, comme réponse au Brexit, quelle est l'idée qu'il aurait venu pour unir les peuples? Est-ce que c'est créer de l'enthousiasme en créant des droits sociaux nouveaux? Est-ce que c'est que, enfin, nous allons abolir les articles du traité européen qui interdisent l'harmonisation fiscale et organisent la compétition entre les travailleurs des différents pays? Non. Ni l'harmonisation fiscale, non plus. C'est l'Europe de la défense. Voilà l'idée qu'ils ont trouvée. Nous allons nous unir ensemble et sauter de joie, nous tomber dans les bras à l'idée que nous allons envahir je ne sais pas qui, quelque part dans le monde. C'est-à-dire l'idée par laquelle ils avaient d'abord voulu faire commencer l'Union européenne en 1954. Car personne ne doit l'oublier. La première tentative avant le traité de Rome pour constituer l'Union européenne, ce fut la communauté européenne de défense, dont l'idée était de se préparer soit à résister, soit à agresser l'Union soviétique. Eh bien, de la même manière aujourd'hui, ce dont ils parlent et qu'ils veulent nous proposer, c'est l'Europe de la défense. Je puis vous dire ceci. Si je suis élu président de la République française, la France ne participera pas à l'Europe de la défense. Nous nous retirerons du commandement intégré de l'OTAN. Nous refusons la logique de la puissance européenne parce que c'est une logique de guerre. Nous préférons que chacun soit en état de se défendre et coopère pour le faire, plutôt que de voir émerger une nouvelle superpuissance guerrière dont nous savons d'avance que si elle est armée, ce sera pour se servir de ses armes. Parce que l'histoire a prouvé que c'est toujours de cette manière-là que finissent tous ceux qui s'arment. S'armer n'a jamais préparé la paix. S'armer a toujours préparé la guerre. Et nous croyons plus aux politiques de dissuasion qu'à tout autre. Mes chers amis, le plan B, il ne peut pas y en avoir un. Pour l'instant, il y a une idée de plan B. Par conséquent, nous irons à des plans B. Des solutions techniques, aussi des solutions politiques, cela va de soi. Pourquoi? Car nous devons nous préparer à gouverner. C'est gouverner qui est notre futur, car nous croyons au caractère démocratique de la révolution que nous allons faire déferler sur le vieux continent. Voici ce que j'ai à dire. Ou bien il est possible de réorganiser d'une manière concertée l'Union européenne, c'est-à-dire avec un plan A, qui prévoit que l'on finisse avec le libre-échange en faveur du protectionnisme coopératif, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation sociale, que l'on finisse avec l'interdiction de l'harmonisation fiscale. Ou bien on organise et on réorganise de manière concertée l'Europe, ou bien il faudra organiser la sortie concertée de ceux qui ne veulent plus entendre parler de ce fracas de civilisation qui porte aujourd'hui le nom d'Union européenne. C'est avec cet espoir que je vous parle. Dans quelques mois, mon pays va décider. Pour l'instant, d'une manière qui, comme vous le savez tous, est imprévisible. Voici que les enquêtes d'opinion portant sur 16 000 personnes me placent en tête de toutes les formations politiques issues de la gauche. Je sens la responsabilité qui pèse sur nous, mais je voudrais vous dire que cette responsabilité, ce n'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre tous, car si demain je suis élu, vous viendrez tous à la rescousse et je vous y appellerai.

Sa superficie est de 309 500 km², soit à peu près la superficie de l'Allemagne. Sauf que ce territoire est composé à 70% de zones désertiques et de hautes montagnes, et la population se concentre donc majoritairement sur les côtes du nord du pays, dans la plaine de la Batina, jusqu'à la capitale, Mascate, et au sud, près de la ville de Salalah, deuxième du pays, dans la région du Dhofar. Si le milieu naturel d'Oman est une contrainte, son ouverture maritime, elle, est un immense atout, surtout grâce à la souveraineté qu'Oman détient sur la petite péninsule de Mousandam. Ce minuscule territoire lui permet de contrôler les entrées et les sorties du golfe Persique. Car dans ses eaux peu profondes, le détroit d'Ormuz, large de 63 km, est le seul point de passage maritime possible vers l'océan Indien et forme un véritable verrou stratégique. Pour exporter leur pétrole, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak et l'Iran doivent tous transiter par cet étroit chenal du détroit d'Ormuz. Au total, chaque année, c'est près de 35% du pétrole mondial qui passe par les eaux territoriales omanaises. Une situation exceptionnelle qui fait d'Oman un acteur important sur l'échiquier géopolitique, mais le place également dans une position délicate. Car le sultanat se trouve sous l'influence croisée des puissances antagonistes que sont l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre, mais aussi d'acteurs plus lointains comme la Chine et surtout les États-Unis qui veillent sur leurs approvisionnements en hydrocarbures. Les Américains qui ne se contentent d'ailleurs pas d'une simple influence diplomatique, ils sont directement présents sur le territoire omanais et dans les eaux du Golfe, une présence que le sultanat voit comme une protection rassurante. Cette particularité géographique du sultanat, qui lui assure une position unique sur le commerce maritime tout en le soumettant à des pressions extérieures, n'est pas nouvelle. Elle est même en réalité constitutive de l'histoire du pays. En effet, dès le Moyen Âge, les commerçants et marins omanais, qui ont inspiré le personnage de Sinbad le marin, utilisent leur position géographique pour explorer les mers et établir de nombreux comptoirs qui finiront par former une sorte d'empire sur la péninsule arabique, sur les côtes de l'actuel Iran et du Pakistan et le long de la côte africaine, notamment à Mombasa dans l'actuel Kenya et à Zanzibar en Tanzanie. S'il s'enrichit, le sultanat doit résister dans le même temps aux tentatives d'installation des Portugais qui s'empareront temporairement d'Ormuz et de Mascate, mais se protéger aussi des ambitions hollandaises et françaises. Cette résistance omanaise finira par plier devant la puissance britannique au XIXe siècle. Le sultanat devient un protectorat de la couronne anglaise comme les autres émirats du Golfe. Une domination britannique qui a cessé en 1971, date à laquelle l'actuel sultan Qaboos bin Saïd a déclaré l'indépendance du pays et pris en main la destinée d'Oman. Pour développer son pays, le sultan s'est appuyé sur la rente pétrolière, mais ses gisements, majoritairement situés à l'ouest du pays, dans le désert de Rub al-Rali, sont modestes et sa production bien inférieure à celle de ses voisins saoudiens, émiratis ou iraniens. Le PIB par habitant du sultanat est plus bas que celui de ses voisins et la dépendance à la rente pétrolière, qui lui assure plus de 70% de ses recettes, rend le pays particulièrement vulnérable à la volatilité des prix des hydrocarbures. Conscient de cette fragilité, Oman a donc investi localement dès les années 90 dans les infrastructures et le tourisme. Autre spécificité du sultanat, sa pratique de l'islam. Sa religion officielle, l'ibadisme, est la troisième branche de l'islam. Elle est presque exclusivement omanaise et se distingue des deux autres branches, le sunnisme et le chiisme, par un rejet de la prééminence des descendants du prophète. Contrairement à l'Iran et à l'Arabie saoudite qui financent des courants chiites et sunnites hors de leurs frontières, Oman ne cherche pas à diffuser l'ibadisme et n'exerce aucune ingérence chez ses voisins. Alors cette tradition de discrétion et de tolérance, alliée à sa position stratégique, prédisposait le sultanat à s'imposer comme médiateur sur la scène diplomatique. Oman a notamment joué un rôle important entre les États-Unis et l'Iran au sujet de la dénucléarisation de ce dernier, accueillant plusieurs réunions préparatoires à la signature de l'accord du 14 juillet 2015 encadrant les activités nucléaires iraniennes. Oman est aussi intervenu dans le cadre des conflits en Syrie et au Yémen, son voisin immédiat au sud. Enfin, lorsqu'en 2014, le Qatar a été sanctionné pour son soutien aux frères musulmans par ses voisins arabes et émiratis, c'est encore Oman qui a joué les médiateurs. Et depuis la rupture des relations diplomatiques en 2017 entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les voyageurs en provenance de Doha sont contraints de faire escale à Mascate. Pacifié, relativement prospère, stable, en bonne entente avec ses voisins et les puissants du monde, le sultanat d'Oman s'apprête pourtant à relever des défis et des bouleversements considérables dans les décennies à venir, notamment lorsque viendra l'heure de trouver un successeur au sultan Qaboos. Âgé et malade, le souverain n'a pas de descendant direct. Il faudra donc que les membres de la famille Bin Saïd choisissent lequel d'entre eux gouvernera le pays à la mort du sultan, et la bataille pour la succession pourrait avoir des conséquences sur l'équilibre du pays. Un pays dont la population a explosé en 10 ans, passant de 2,9 à 5 millions entre 2010 et 2018, notamment en raison de l'afflux massif d'étrangers provenant majoritairement d'Asie du Sud. Ces étrangers composent désormais plus de 50% de la population vivant sur le sol omanais et pourraient à terme constituer un facteur déstabilisant. À cette main-d'œuvre immigrée s'ajoutent des réfugiés du Yémen fuyant la guerre. Le sultanat a d'ailleurs décidé de lancer un projet de mur entre les deux pays. Pour faire vivre cette population grandissante, Oman va devoir intensifier sa politique de diversification, car ses 5,4 milliards de barils de réserves de pétrole ne lui permettront pas de tenir plus de 15 ans à son rythme actuel de production. Dans le domaine énergétique, Oman a lancé la construction de nouveaux oléoducs, de gazoducs et d'usines de liquéfaction du gaz, lui permettant d'acheminer sa production et celle de ses voisins. Pour assurer le développement de ce renfort d'activité, mais aussi du fret maritime, le sultanat a développé ses principaux ports, Sohar, Mascate, Doukm et Salalah, pour en faire de véritables hubs portuaires. Et puis le sultanat mise plus que jamais sur le tourisme, à Mascate par exemple, où se construisent de nouvelles infrastructures, ou encore dans le Dhofar, on l'a vu, au sud du pays, qui bénéficie d'un microclimat exceptionnel dans la région. Le gouvernement développe également ses réseaux routiers et projette la construction de nouvelles lignes de chemin de fer. Le nombre de touristes est passé de 1,4 million en 2011 à 3,2 millions en 2017. Malgré cette augmentation croissante, le tourisme ne représente encore que 2,6% du PIB. Si l'équilibre interne du pays est fragile, sa position diplomatique l'est tout autant. L'Arabie Saoudite s'irrite du soutien d'Oman au Qatar, et plus encore d'éventuelles armes transitant depuis l'Iran vers la rébellion yéménite d'obédience chiite. Riyad a décidé de riposter en construisant un institut salafi dans la région yéménite du Mara, à la frontière avec Oman, et pourrait y déployer des forces armées. Si l'Arabie Saoudite se faisait plus menaçante en plaçant Oman dans la même position que le Qatar, la situation du sultanat deviendrait très compliquée. Sans parler d'une éventuelle intervention militaire, l'armée omanaise ne comptant que 76 000 hommes contre 280 000 en Arabie Saoudite. La récente visite surprise de Benjamin Netanyahou à Mascate en octobre 2018 est à lire dans ce contexte. Elle assure certes à Oman un soutien plus grand des États-Unis, mais ternit dans le même temps l'image du sultanat auprès des populations arabes. Oman, sultanat habile et tranquille, est donc aujourd'hui cerné par les tensions extérieures. À l'intérieur du sultanat aussi, les défis à venir ne manquent pas.

sentiment de deux poids, deux mesures. Je vous dis, quand on se souvient des précautions qui étaient prises autour de, pour M. Benalla, pour le protéger. La seule chose qui pose problème en termes de démocratie, c'est quand il y a une intervention de police dans le siège d'un parti politique. C'est aujourd'hui chez France Insoumise, c'est chez d'autres hier. Le fait que la police intervienne et aspire les fichiers d'un parti politique, voire les secrets d'un parti politique, ça pose une difficulté, parce que quand c'est dans les mains de la police, c'est dans les mains du pouvoir. Je pense qu'on a intérêt à légiférer pour se dire que quand on intervient dans un parti politique, les fichiers des adhérents, ça ne peut pas regarder la police et la justice, parce qu'à ce moment-là, quand il s'agit de partis d'opposition, il y a un risque, effectivement, que le pouvoir s'en serve contre des partis d'opposition. Ça, c'est un risque démocratique. Sur Mélenchon, c'est vrai qu'il y a un acharnement, je vais vous dire pourquoi. Et c'est, bon, ça excuse pas les propos qu'il a tenus, évidemment. Je suis pas en train de dire ça. Mais il y a un acharnement parce que quand vous avez 100 policiers pour faire une perquisition, on est dans un pays de fous. C'est-à-dire les juges c'est qui ont décidé d'envoyer 100 policiers, c'est-à-dire beaucoup plus que pour Redouane Faïd, hein, l'ancien braqueur, l'homme le plus recherché de France. Il y a moins de policiers que pour faire les perquisitions. C'est un truc de dingue. Et alors moi, ce qui m'exaspère, c'est d'entendre le petit filet d'eau tiède de la presse en permanence, conformiste comme c'est tout. Oui, mais alors la justice indépendante, pourquoi il dit ça à Mélenchon? Mais non, ils l'ont rendu fou, c'est vrai, à cause d'espèce de déluge de moyens, ouais. Qui est un truc de dingue, on voit ça dans peut-être dans quelques dictatures. Mais... C'est-à-dire les juges sont aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Et de toute façon, comme on vit dans un pays où la présomption d'innocence, on n'est pas le seul pays au monde, hein, les États-Unis c'est un peu comme ça, il n'y a plus de présomption d'innocence, il y a une présomption de culpabilité. Donc voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler des différents types de médecins et de soins que nous avons en France. Première chose, en France, vous avez des hôpitaux publics ou des cliniques privées. Donc soit, quand vous êtes malade, vous pouvez aller dans un hôpital public, soit vous pouvez aller dans une clinique privée. Ou encore, vous pouvez aller voir un médecin, hein, un médecin qui a son cabinet privé. Les hôpitaux publics sont ouverts 24 heures sur 24. Quand vous allez à l'hôpital public, on va vous donner un petit billet, un petit ticket avec des couleurs, en fonction de l'urgence. Si c'est très urgent, je crois que c'est la couleur rouge, vous allez être prioritaire, vous passez devant les autres. Ah, c'est très urgent, je passe en premier, d'accord ? Dans les hôpitaux publics, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Les hôpitaux publics, souvent, sont débordés. Il y a beaucoup de monde, tout va très vite, beaucoup de gens vont dans les hôpitaux publics. Parce que c'est aussi moins cher. Les hôpitaux publics, c'est moins cher. Il y a dans les hôpitaux publics le SAMU. Le SAMU, il s'agit des urgences. Les urgences. Les urgences, le service d'aide médicale urgente, le SAMU. C'est-à-dire les SAMU, ils ont des ambulances et parfois des hélicoptères. Ils vont chercher les gens malades et ils vont les ramener en urgence à l'hôpital. Hein? Il y a aussi dans les hôpitaux... dans les hôpitaux publics des CHU. Qu'est-ce que c'est un CHU ? Un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire. Cela veut dire que les médecins dans ces CHU sont des jeunes médecins qui sont en formation. Donc, quand vous étudiez la médecine, vous allez travailler et apprendre dans un CHU, dans un hôpital public. Donc, cela permet d'offrir des soins de santé moins chers, pas chers. parce que beaucoup de les jeunes étudiants, les jeunes médecins doivent travailler à l'hôpital public. Et même les médecins plus confirmés doivent aussi, qui ont plus d'ancienneté, doivent aussi travailler à l'hôpital public plusieurs jours par semaine. D'accord ? Beaucoup d'hôpitaux publics ont un manque de moyens. Les hôpitaux publics n'ont pas assez d'argent. L'État veut fermer les hôpitaux publics. Mais la population n'est pas d'accord. La population et les médecins et le personnel médical n'est pas d'accord. Ils disent non, si vous fermez l'hôpital public ici, les malades doivent aller très loin. Ce n'est pas bien pour les malades. C'est une logique d'argent. Tout pour l'argent. D'accord ? Il y a aussi des cliniques privées. Donc les cliniques privées, c'est beaucoup plus cher. La clinique privée est beaucoup plus chère. D'accord ? L'hôpital public, vous pouvez être remboursé en grande partie, pas tout, mais en grande partie, par l'État, par la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme médecin ? Il y a aussi le médecin du travail. Donc quand vous travaillez, une fois par an, vous avez une visite médicale chez un médecin du travail. C'est une visite gratuite. Et le médecin du travail va regarder est-ce que vous avez des problèmes de santé. D'accord ? Vous avez aussi, des centres pour les jeunes enfants. Ce sont des centres qui permettent de vacciner gratuitement ou de rencontrer des médecins gratuitement dans les villes. Il y a aussi les médecins à l'école, les médecins scolaires, donc dans les collèges, dans les lycées, il y a des médecins, des infirmeries scolaires. Donc ils peuvent donner des médicaments, ils peuvent donner certains médicaments, par exemple des médicaments, la pilule pour les filles. Si une fille a eu un rapport sexuel, elle a peur d'être enceinte, on peut donner la pilule du lendemain ou on peut donner un contraceptif. Dans les universités, il y a aussi une médecine à l'université. C'est un soutien qui peut apporter un soutien aux élèves. Voilà, oui, c'est à peu près tout. Hein. Je vous laisse. À bientôt, les amis. Au revoir. Charline Vanhoenacker, le célèbre chef indigène Raoni passe 3 semaines en Europe pour récolter des fonds afin de protéger la forêt amazonienne et les communautés qui y vivent. Et il a choisi d'entamer sa tournée européenne par une rencontre avec François de Rugy. Alors que de Rugy, quand tu lui dis que l'Amazonie est le poumon de la planète, c'est plutôt le genre à répondre « Oh bah ça va alors, ça veut dire qu'il y en a un deuxième !» Pourtant, Raoni est sorti conquis. Il a déclaré qu'il était content de voir que dans un grand pays comme la France, on pouvait confier le ministère de l'écologie à un végétal. Voilà. Il l'apprécie beaucoup, ça s'est senti quand il a dit en partant « N'oubliez pas de l'arroser ». Entre nous, je pense que si François de Rugy enfilait un chapeau à plumes, il serait pris beaucoup plus au sérieux. Selon Raoni, l'argent est une malédiction. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va bien pouvoir dire à Emmanuel Macron qu'il rencontre demain. Le chef indigène devra lui expliquer les choses avec les mots que le président est capable d'entendre. La forêt amazonienne injecte des capitaux oxygène à l'entreprise Planète. C'est pourquoi il faut rebooter le système de déforestation afin d'avoir un workflow opérationnel éco-friendly pour le backup des espèces. De toute façon, il a l'habitude, Raoni, il sait bien que les grands de ce monde veulent tous se donner une bonne image en posant à côté de lui. L'indigène leur dit « Attention, l'Amazonie est en train de mourir !» Et eux, ils sont là, oh, mais t'inquiète pas, on s'en occupe. Viens là, on va faire un petit selfie en attendant. Et voilà comment Raoni a traversé la planète pour alerter les consciences et qu'il est malgré tout reçu comme une influenceuse Instagram. Le chef du Brésil vient pour collecter 1 million d'euros afin de protéger la réserve de Xingu au Brésil, donc alors qu'il aurait suffi qu'elle brûle pour que François Pinault et Bernard Arnault se tirent la bourre pour allonger la thune. D'autant que Raoni fait tout cela au nom du vivant, lui de la préservation de l'homme et de la nature, alors qu'au même moment, ici aussi. Je veux rappeler que des gens luttent pour préserver farouchement leur petit territoire. Je pense aux époux Balkany. Demain, Raoni poursuivra sa tournée puisqu'il est attendu en Belgique où il va défiler aux côtés des étudiants pour le climat. Les étudiants belges, je les connais. Hein. Il y en a bien un qui va déposer sa bière sur son plateau. Hein. Hop, pardon, ils allaient même chez Habitat, désolé. Raoni et les chefs d'État, c'est l'histoire d'un homme qui, armé de son plateau labial, tente inlassablement de braver la langue de bois. Charline Vanhoenacker, merci beaucoup. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Thomas Soto. On retrouve Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito économique d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Ce matin, vous êtes au chevet de l'hôpital. C'est une première. Les hôpitaux publics et les cliniques privées montent au créneau ensemble pour tirer la sonnette d'alarme. Ils ne s'en sortent pas. Leur situation financière est grave, dites-vous. Oui, voilà un vrai sujet qui devrait interpeller les candidats à la présidentielle. La situation financière des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, n'a jamais été aussi problématique. Alors je résume. D'un côté, vous avez le ministère de la Santé qui exige des économies de plus en plus élevées, plus d'un milliard d'euros cette année pour l'hôpital. Donc on rogne partout. Il suffit de visiter d'ailleurs un hôpital ou de discuter avec le personnel pour s'en rendre compte. Et puis de l'autre côté, pour tenir le budget de la Sécu, l'État réduit les tarifs d'un certain nombre d'actes médicaux que les établissements facturent à la Sécurité sociale. Car les hôpitaux sont rémunérés à l'acte. Oui, voilà. D'ailleurs, le nombre d'actes augmente d'année en année. L'activité des hôpitaux ne cesse d'augmenter. Ils travaillent plus. Mais c'est le paradoxe, plus ils facturent d'actes, plus l'État a tendance à leur imposer des baisses de prix pour tenir le budget. En clair, quand le volume d'activité à l'hôpital augmente, la Sécu serre la vis. Et puis alors, ajoutez à cela que les hôpitaux n'ont pas la main sur certains paramètres de base de la gestion, et ça crée une situation très compliquée. Des paramètres du type organisation du travail, temps de travail, sortie des 35 heures, etc. Si l'État offrait plus de souplesse de gestion aux hôpitaux, l'équation serait peut-être moins compliquée à résoudre, mais ça n'est pas le cas. Le budget hospitalier en France, c'est 80 milliards d'euros. Alors, il y a bien sûr des améliorations de gestion à imaginer, mais encore faut-il le permettre. Et en attendant, ce système va dans le mur. Malheureusement, les hôpitaux publics affichent plusieurs centaines de millions d'euros de déficit. Ils reportent certains investissements indispensables. Voilà un sujet vraiment lourd pour le prochain président de la République. Il doit rester 48 jours pour en parler dans la campagne. Merci beaucoup, Nicolas Barret. À demain. Le gouvernement qui veut supprimer les chômeurs à défaut de réduire le chômage. Des nouvelles de la campagne, des signatures pour le référendum sur les aéroports de Paris. L'embarras de la droite après le renvoi de Nicolas Sarkozy devant la justice pour corruption. Et la désignation du nouveau chef des Républicains. C'est le sommaire du numéro 37 du Petit Coup de Bourbon. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté sa réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux n'étant pas parvenus à se mettre d'accord en février dernier, c'est l'État qui va trancher par décret. Pour prétendre à une allocation, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois dans les 2 années précédentes. Aujourd'hui, c'est 4 mois au cours des derniers 28 mois. Par ailleurs, les salariés qui étaient rémunérés plus de 4 500 € brut verront leur indemnité amputée de 30% au bout de 6 mois de chômage. Enfin, l'allocation des salariés précaires sera calculée non plus sur le salaire moyen perçu les jours travaillés, mais sur le revenu mensuel. Cette discrète disposition peut aller jusqu'à diviser par 2 le montant des allocations perçues par les secteurs les plus fragiles de la population. Argument principal de Matignon, la situation s'améliore, donc il est légitime de serrer la vis aux chômeurs. Les règles actuelles datent de 2009, c'est-à-dire d'une époque où il fallait amortir le choc de la crise économique et financière. Aujourd'hui, la conjoncture est meilleure, les offres d'emploi sont plus nombreuses, les projets de création d'emploi sont bien plus nombreux. Il est donc normal que les règles d'accès changent également. Avec cette réforme, nous visons une baisse du nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000 sur les 3 ans à venir. Loin d'une approche comptable ou budgétaire, loin d'une logique de rabot, cette transformation de l'assurance chômage devrait nous permettre, en effet, de faire des économies, devrait nous permettre d'abord et avant tout de transformer le marché du travail, et des économies devraient en résulter. Nous visons 3,4 milliards d'économies sur la période 2019-2020-2021. Pour que le tableau soit complet, il faut encore mentionner la mise en place d'un système de bonus-malus sur les contrats courts à partir du 1er janvier 2020 dans 7 secteurs de l'économie comme l'hébergement, la restauration ou l'agroalimentaire. Curieusement, la santé et le bâtiment, principaux pourvoyeurs de contrats courts, en sont cependant exemptés. Enfin, les CDD d'usage, eux, seront frappés d'une taxe de 10 euros. Un projet de réforme qui satisfait une partie de la droite, même si certains trouvent que le gouvernement ne va pas assez loin. Bref, qu'il la joue petit bras. Je n'ai pas le sentiment que le texte du gouvernement aille à l'encontre de ce que nous aurions pu faire. Sur la philosophie et les principes de la réforme, nous sommes favorables. La droite a toujours voulu la dégressivité des allocations. Simplement, il voulait la dégressivité pour tous. Il y a 2 points sur lesquels on doit améliorer les choses. Le premier, c'est sur la question du bonus-malus et donc la question des contrats courts, qui va pénaliser encore davantage les entreprises. Et la deuxième, c'est que je trouve qu'on stigmatise trop les cadres. C'est touche à peu près 15% des allocations et ils cotisent pour 45% du montant de l'assurance chômage. Cette réforme ne permettra pas véritablement de mettre fin au chômage de masse en France. C'est une réforme qui manque d'ambition, qui manque de souffle, qui est purement comptable et à la fin très injuste puisqu'elle va pénaliser certains salariés et seulement certains salariés et qu'elle va pénaliser certaines entreprises et seulement certaines entreprises. À gauche, on est vent debout contre ce rétrécissement de l'assurance chômage. Ce gouvernement, plutôt que de s'attaquer au chômage, s'attaque aux chômeurs. Parce que jamais ne s'est vérifié que le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage ou que la baisse de l'indemnisation chômage avait pour corollaire le fait que les gens soient davantage incités à retourner au travail. Je vais prendre un seul exemple. Au milieu des années 70, le chômage était indemnisé comme jamais. Quand vous étiez licencié pour motif économique, vous touchiez à peu près 102% de votre salaire. Et pour autant, on n'a pas vu que les gens restaient au chômage durablement. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils retournaient travailler. Non, la vérité, c'est que cette réforme de l'assurance chômage est pensée dans un cadre qui est celui de la réflexion d'Emmanuel Macron, qui croit véritablement qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Mais ça ne se vérifie pas. Même si vous incitez, moi je demande qu'on m'explique comment faire toutes les personnes à prendre un emploi disponible, il reste une masse considérable de chômage. Que fait ce gouvernement pour cela ? Absolument rien. Parce que dans la même réforme, on nous propose de lutter avec l'effet bonus-malus contre le recours au contrat court, mais c'est ce même gouvernement qui a accru considérablement le recours au contrat court. C'est ce gouvernement qui a mis sur pied le CDD d'usage, le CDI de chantier. Et c'est notamment ce gouvernement qui aggrave ce phénomène qui fait que 80% des embauches aujourd'hui se font en contrat court. Le socialiste Olivier Faure, lui, souligne le danger qu'il y a à ponctionner les seuls cadres. Les cadres aujourd'hui contribuent davantage qu'ils ne coûtent au régime de l'assurance chômage. Et donc, ils sont solidaires du reste du monde du travail. Si vous commencez à les détacher avec des règles différentes du reste du monde du travail, que croyez-vous qu'il se passera à terme ? Soit on alignera tout le monde sur le régime des cadres et vous aurez une dégressivité pour tout le monde, ce qui fut le cas à une autre époque et qui n'a jamais fonctionné, soit vous aurez au contraire des cadres qui chercheront à se détacher de ce système et qui iront chercher vers un régime assurantiel pur, ce qu'ils ne trouvent plus dans l'assurance collective qui est l'UNEDIC. alors que ce qui coûte cher aujourd'hui à l'assurance chômage, 7,5 milliards par an, ce sont les contrats courts. Si on veut vraiment trouver de l'argent, c'est sur les contrats courts qu'il faut agir. Du côté des communistes, on dénonce la remise en cause par la bande du principe de l'assurance. 11% des chômeurs vont se voir privés d'indemnité chômage, 236 000 personnes. Et puis, les cadres vont voir la dégressivité mise en place. C'est la remise en cause des fondamentaux du système assurantiel qui veut qu'on cotise et qu'on ait des indemnités en fonction de ces cotisations. Enfin, un troisième élément qui pourrait apparaître comme positif, les communistes le demandaient, d'autres le demandaient, qui est d'instaurer un malus-bonus en fonction des contrats courts. Sauf que dans le même temps, ce gouvernement malin, pour ne pas dire cynique, multiplie les contrats de chantier, multiplie les contrats courts, précarise le statut de la fonction publique et donc d'une certaine manière, ce que la main droite fait d'un côté pour casser le droit du travail, la main gauche prétend le reprendre. Enfin, au Rassemblement national, on a de bonnes archives. Sébastien Chenu rappelle ce que disait Emmanuel Macron sur la dégressivité avant son élection. Concernant les cadres, la dégressivité des allocations chômage pour les cadres, je note que c'était l'inverse que prenait Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Moi, j'ai relu son livre Révolution, où il écrit noir sur blanc qu'il est hostile à cette proposition. Aujourd'hui, il applique donc une proposition, en tout cas, il souhaite voir appliquer une proposition qui n'avait pas ses faveurs lors de l'élection présidentielle. Mais surtout, c'est totalement inefficace. Toutes les enquêtes, tous les professionnels, tous les syndicats vous expliquent, y compris patronaux, du matin au soir, que ces dispositions, qu'ils ont celles de s'attaquer aux chômeurs, de faire baisser leurs allocations chômage dans le temps, n'ont aucune efficacité en ce qui concerne le retour à l'emploi. Aujourd'hui, ce sont les cadres. Demain, ce seront tous les chômeurs qui seront touchés par les propositions d'Emmanuel Macron concernant la dégressivité. On ne manquera pas de remarquer que cette remise en cause de l'assurance chômage intervient à la veille des vacances et à la fin du mouvement des Gilets jaunes. Pas vraiment le créneau idéal pour organiser une mobilisation syndicale. Il faudra voir à l'automne si, toutefois, la volonté de se mobiliser est toujours là. C'était hier soir à la Bourse du Travail de Saint-Denis, le premier meeting unitaire en faveur du référendum d'initiative partagée pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. À la tribune, on pouvait apercevoir les députés LR Gilles Carrez et François Cornu-Gentil, ceux de la France Insoumise Clémentine Autain et Éric Coquerel, ainsi que le premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure et le secrétaire national du Parti Communiste Fabien Roussel. Le site mis en place par le ministère de l'Intérieur pour recueillir les signatures ne donne aucun comptage. Quelques informaticiens astucieux ont cependant mis en place des scripts qui permettent d'avoir une première indication. Selon l'un d'entre eux, adprip.fr, on en serait à un peu plus de 235 000 signataires sur les 4,7 millions nécessaires. Le site officiel pour le recueil des signatures concentre un incroyable nombre de bugs et l'ergonomie est assez rudimentaire, comme si l'on voulait dissuader les citoyens de s'opposer à la privatisation d'un bien public. Ça ne fait rien, de nombreux tutos ont été mis en place. Si vous voulez signer, vous finirez bien par y parvenir. On l'a appris hier, Nicolas Sarkozy est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption. Tous les recours ont été épuisés. En 2014, des écoutes téléphoniques ont révélé que l'ancien président de la République et son avocat cherchaient à obtenir des informations sur un dossier judiciaire en cours, l'affaire Bettencourt. Pour ce faire, ils étaient entrés en contact avec un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. En échange de renseignements, Nicolas Sarkozy aurait promis à ce dernier d'intercéder en sa faveur pour qu'il soit nommé à Monaco. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président est renvoyé devant la justice. Un précédent dont ses anciens amis politiques, les Républicains, se seraient bien passés. Défaite aux européennes, démission de leur chef Laurent Wauquiez, départ de Valérie Pécresse, bagarres internes pour la présidence du parti, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Devant les caméras, chacun s'en est donc tenu au service minimum. Nicolas Sarkozy a aussi droit à la présomption d'innocence, parce que entendre certains, le fait qu'il soit renvoyé en correctionnel ferait qu'il serait déjà nécessairement condamné. C'est évidemment triste, parce que j'ai beaucoup d'affection pour le président Sarkozy, et en même temps, la justice doit être la même pour tout le monde. Il s'est quand même trouvé un député pour refuser la langue de bois, et c'est un petit bonheur de l'écouter. À chaque jour suffit sa peine. C'est évidemment un élément qui est compliqué à gérer. Vous savez, c'est un président de la République il y a quelques années qui disait que parfois la merde, ça volait en escadrille. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'impression que le porte-avions n'est pas très loin et que les escadrilles décollent par vagues régulières. On peut se dire aussi qu'il y avait un peu de mauvais produit dans le ventilateur et que quelqu'un a appuyé sur le bouton du ventilateur et que tout le monde s'en prend plein la figure, on va le dire comme ça. Voilà, que justice fasse son œuvre, que les mauvaises périodes passent, et puis bah, tout ça, je le dis en le pensant en plus, c'est que ça permettra de dégager l'horizon qui, aujourd'hui, c'est vrai, est un peu compliqué à gérer. Mais c'est ainsi. Allez, l'accumulation de mauvaises nouvelles finira bien par nous permettre de dégager le ciel à un autre moment. C'est début octobre que les Républicains désigneront leur nouveau président, le sénateur Bruno Retailleau. L'auteur de la fameuse loi anti-casseurs vient de retirer sa candidature. Du coup, le suspense disparaît. On s'achemine vers l'élection d'un candidat édredon, Christian Jacob, compatible avec toutes les familles de la droite. Ce que nous confirme Philippe Gosselin. À partir du moment où Christian Jacob avait dit qu'il serait candidat, et ça semble se confirmer, même si les choses ne sont pas encore définitivement actées, etc., Bruno Retailleau avait dit qu'il ne serait pas candidat contre Christian Jacob. Ça me paraît une bonne décision. Je la salue et je l'en remercie, comme beaucoup de mes collègues députés, parce que ça va éviter de mettre de la confusion supplémentaire, de donner le sentiment de vouloir à tout prix se taper sur la tête entre Sénat et Assemblée. Ce qui compte, c'est qu'on puisse rassembler notre famille politique avec quelqu'un qui, certes, n'est pas un perdreau de l'année, c'est évident. Le nom de François Baroin, le puissant président de l'Association des maires de France, avait circulé. Mais la proximité des municipales, Baroin est maire de Troyes depuis presque un quart de siècle, empêchait qu'il ne brigue la présidence de LR. Qu'à cela ne tienne, certains le voient déjà porter les couleurs de la droite en 2022. Il peut y avoir un partage des rôles intéressant, à certains s'occuper de la refondation du parti, à d'autres la possibilité d'être des recours pour d'autres échéances, avec une stature, celle de François Baroin, qui est une stature d'homme d'État, qui est intéressante, qui a de l'expérience, qui a aujourd'hui de belles responsabilités avec l'Association des maires de France, donc il y a aussi un bon réseau. Donc on peut répartir entre guillemets les rôles entre l'intérieur et l'extérieur du parti. Mais sur la route de l'Élysée, il y a déjà beaucoup de monde à droite. Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ne font pas mystère de leur ambition présidentielle. Baroin a du pain sur la planche.